La maison de Madame Marneffe acquit en 2 ans la réputation d'être très agréable. On y jouait. Valérie elle-même fut promptement signalée comme une femme aimable et spirituelle. On répandit le bruit, pour justifier son changement de situation, d'un immense legs que son père naturel, le maréchal Montcornet, lui avait transmis par un fidéicommis. Dans une pensée d'avenir, Valérie avait ajouté l'hypocrisie religieuse à son hypocrisie sociale. Exacte aux offices le dimanche, elle eut tous les honneurs de la piété. Elle quêta, devint dame de charité, rendit le pain béni et fit quelque bien dans le quartier, le tout aux dépens d'Hector. Tout chez elle se passait donc convenablement. Aussi beaucoup de gens affirmaient-ils la pureté de ses relations avec le baron, en objectant l'âge du conseiller d'État à qui l'on prêtait un goût platonique pour la gentillesse d'esprit, le charme des manières, la conversation de Madame Marneffe, à peu près pareille à celui de feu Louis XVIII pour les billets bien tournés. Le baron se retirait vers minuit avec tout le monde et rentrait un quart d'heure après. Le secret de ce secret profond, le voici.